La Bible David Martin 1855. Épître de saint Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir, la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant donné à connaître, selon son bon plaisir, le secret de sa volonté, lequel il avait premièrement arrêté en soi-même, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il réunit tout en Christ, tant ce qui est aux cieux, que ce qui est sur la terre, en lui-même, en qui aussi nous sommes fait son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficace toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espérés en Christ, en qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est l'art de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession qu'il a acquise, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez au Seigneur Jésus, et de la charité que vous avez envers tous les saints, je ne cesse point de rendre grâce pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, dans ce qui regarde sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'efficace de la puissance de sa force, laquelle il a déployée avec efficace en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps, et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous.